Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je veux parler à quelqu'un qui est malade. Ça fait plus de 3 semaines que tu es alité, que tu ne te sens pas bien. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions s'appelle Yahvé Rapha. C'est vrai, tu peux aller te faire soigner. Mais s'il y a des attaques spirituelles, tu dois invoquer le sang de Jésus. Et je déclare ta guérison maintenant, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu rêves que tu es dans des cimetières. Ce n'est pas normal que cet esprit de mort soit chassé loin de ta vie. Au nom de Jésus, tu vas dire non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 62. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire les passages du jour, les psaumes 62. Au chef des chantres, d'après Jedutum, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les filles de l'homme. Mensonge les filles de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Je voudrais partager, chers amis de OSB, 3 grandes vérités tirées de ce psaume 62. Voici la première vérité. Confions-nous en Dieu et non à nous-mêmes ou aux hommes. Confions-nous en Dieu. Dans ce psaume, David affirme 3 fois que c'est en Dieu qu'il se confie et nous exhorte à se confier en lui. Il dit au verset 2, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. » Au verset 6, il revient encore, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. » Au verset 9, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » Et au verset 9, il dit, « Ne vous confiez pas dans la violence. » Je veux parler à une femme, écoute-moi bien. Tu dis que ton mari ne te donne pas de l'argent, il donne l'argent à ses parents, à sa maman, à toi il ne te donne pas. Ton mari rentre tard, mais tu es chrétienne. Ce n'est pas dans la violence, violence verbale. Tu commences à insulter ton mari, tu le menaces même, tu prends même ses habits, tu confisques. Ça c'est la violence. Ce n'est pas avec la violence que tu gagneras ton mari, c'est avec l'amour. C'est avec l'amour. Ne te confie pas dans la violence. David pouvait demander à son armée de combattre les putschistes, Absalom, mais il s'est gardé de le faire. Absalom, c'était son fils qui était à la tête d'un coup de force qui a raté. Il pouvait se confier en son armée, mais David ne l'a pas fait. Il a choisi de se confier en Dieu. Très souvent, nous comptons sur notre force ou sur nos relations humaines pour résoudre nos problèmes au lieu de nous confier en l'Éternel. David mentionne plusieurs raisons qui devraient nous motiver à nous confier en Dieu. Il dit, de lui vient notre salut. Verset 2. Le salut, le mot salut et délivrance signifie à peu près la même réalité. Il dit aussi, il est notre rocher et notre salut. Verset 3. Il est notre haute retraite qui sécurise notre vie et nous empêche de chanceler. Verset 3. Il est notre espérance. Au verset 6. Il est notre gloire. Il est notre refuge. Vous voyez, Dieu est tout cela, gloire, refuge, forteresse. Bref, c'est pour dire que c'est lui qui est capable de sécuriser ta vie. Le mot salut fait allusion à la délivrance que Dieu accorde lorsque nous sommes en danger. Le mot rocher, haute retraite, refuge, nous font penser à un endroit sécurisé où nos ennemis ne peuvent nous atteindre. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est la pierre angulaire et celui qui se confie en lui ne sera point confus. 1 Pierre 2, verset 6. Deuxième grande vérité que nous enseigne ce psaume. Nos ennemis forment des projets malsains, mais la force est à Dieu. Ce psaume fut composé par David, probablement lorsque son fils Absalom a réussi son coup de force. Il fut aidé dans sa tâche par un conseiller de David, Achitophel, le conseiller le plus influent de l'époque. Plusieurs autres proches de David se désolidarisèrent de lui et devinrent ses ennemis. Il s'agit par exemple d'Abishai, de Samuel 16:5 et de Shimei, de Samuel 16:10. Toutes ces personnes qui étaient ses proches se sont transformées en ennemis qui étaient là pour l'assommer. Peut-être que toi qui m'entends, tu as connu la même chose ou tu es en train de connaître les mêmes choses. Les gens qui sont proches de toi, tu es chef d'entreprise, les gens même que tu as embauchés, tu as dit que si je prends ce jeune, si je prends celui-là, il va m'aider. Ce sont ces personnes qui passent dans l'opposition, qui complotent contre toi. Ce psaume nous révèle certaines caractéristiques de nos ennemis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent sur nous pour chercher à nous abattre comme une muraille ou une clôture que l'on veut renverser. Verset 4. Ceci explique le fait qu'ils conjuguent des efforts ensemble, comme le font ceux qui veulent renverser une clôture. Vous voyez, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons être solidaires. Nos ennemis là, quand ils veulent nous faire du mal, ils se mettent ensemble. Ils font ce qu'on appelle l'unité pour nuire. Mais pourquoi nous on ne veut pas s'unir pour faire le bien, pour attaquer l'ennemi? David dit, ils conspirent contre nous pour nous faire précipiter de notre poste élevé. Verset 5. Lorsque par exemple tu es élevé, tu es DG, lorsque tu es directeur d'entreprise, lorsque tu es même président d'église, lorsque tu es nommé à un poste important, sache qu'il y a des gens qui complotent toujours. Ils cherchent à te précipiter. Il y a certains qui viendront par de mauvais conseils. Ils viennent comme des conseillers, mais ils sont là pour te pousser à l'erreur. C'est pourquoi il faut prier pour avoir le discernement. Il y a des gens qui sont là pour faire des complots. D'autres font même des fétiches pour te précipiter de ton poste. David a constaté qu'il y a des gens qui conspiraient contre lui. Comme il était roi, il voulait le précipiter de son poste. Lorsque, par exemple, tu es marié, je vais dire à une dame, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui convoitent ton mariage? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas mariées. Alors, tu dois vraiment protéger ton mariage. Il y a des gens qui font des complots pour chercher à te ravir ton mari. C'est pourquoi il faut que tu apprennes à bien accueillir ton mari. Il faut que tu te comportes comme une femme chrétienne digne qui sait séduire son mari, qui s'est attiré son mari. Sinon, tu risques de perdre ce mari parce qu'il y a beaucoup de gens qui complotent pour détruire ton foyer. David dit, ils utilisent les mensonges pour réussir leur coup. Verset 5. Nous savons ce que Absalom a fait. Il a savamment monté son coup pour gagner le cœur du peuple en utilisant des affirmations mensongères contre son père. David dit, ils sont hypocrites. Verset 5. Et ils utilisent des paroles parfois attrayantes. C'est-à-dire, ils peuvent bénir, ils peuvent te dire alléluia, et tu es bien, tu es ceci. Alors que c'est faux, c'est l'hypocrisie. Dans leur cœur, ils sont en train de te maudire. Ils sont en train de dire, lui doit quitter ce poste-là. Troisième vérité, le Dieu fort rend à chacun selon ses œuvres. Notre Dieu est un juste juge qui sait rétribuer chacun selon ses œuvres. Ceci s'accorde avec ce que dit Paul en ce terme, dans Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. David n'a pas cherché à se venger en utilisant la force. Il a fui devant son fils Absalom pour éviter les bains de sang. C'est pourquoi il dit « Ne vous confiez pas dans la violence » au verset 11. Lorsqu'il affirme que la force est à Dieu, il laisse Dieu lui-même les venger. Je veux dire à une femme, laisse Dieu te venger, ne te venge pas. C'est vrai que tu viens de vivre des moments difficiles, ne te venge pas, Dieu lui-même va te venger. Il est le juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres. La suite des événements nous montre qu'Absalom est mort au champ de bataille et qu'Achitophel, le proche conseiller de David qui était dans le complot, il s'est lui-même pendu. Ce qu'ils ont semé, ils l'ont moissonné et David fut rétabli dans ses fonctions royales. Toi aussi, tu es victime des complots. J'aimerais te dire que Dieu est capable de te rétablir dans tes fonctions. Tu vas voir comment Dieu lui-même va rétribuer les méchants. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce chant. La source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Les trésors sont cherchés par les humains, mais pas ailleurs. Et tu les conserves, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lame qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit. Que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Et vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalise. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Mon roi. bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour toutes ces vérités qu'il nous révèle. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si cette émission vous fait du bien, nous serons intéressés d'écouter vos témoignages. D'ici la fin de l'année, les derniers samedis de l'année, nous aurons une grande rencontre ici à Abidjan où nous disons merci à Dieu. Nous allons écouter des témoignages. Vous qui êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez à Paris, vous qui nous suivez à Bruxelles, vous qui nous suivez à Dakar, vous qui nous suivez à Kinshasa, vous qui nous suivez à Ottawa, à New York, vous qui nous suivez à Rome, partout où vous êtes, vous qui nous suivez au Gabon, à Yaoundé, à Douala, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez aussi envoyer votre action de grâce, vous pouvez nous signifier, on vous dira comment vous pouvez le faire, selon ce que Dieu vous mettra à cœur. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Partagez OSB avec des amis à travers WhatsApp. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 62. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu renouvelle notre confiance en lui, quelles que soient les situations difficiles que nous traversons. Oui, David dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Nous allons prier au nom de Jésus. Tendre Père, tu es pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ce matin, ô Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous avons mis notre foi en toi, ô Père éternel. Nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, Ton amour pour nous ne change pas. Notre foi et notre confiance en toi est basée sur la relation que nous avons avec toi. Nous savons que tu nous aimes, ô Père éternel, et que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. C'est pourquoi nous nous confions en toi. Quelles que soient les menaces, quels que soient les doutes, quels que soient les défis, quelles que soient les nouvelles, nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons mis notre assurance en toi. Nous avons placé notre espérance en toi. Et c'est une espérance vivante. C'est pourquoi nous te disons merci, Père éternel. Merci parce que nous avons l'assurance que tu nous protèges, que tu nous gardes et que tu nous délivres de tous nos ennemis. Tu es pour nous un appui. Tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous un secours en temps de détresse. Nous te disons merci en cette saison de fin d'année, parce que nous savons que tu es Dieu d'éternité en éternité et qu'avec toi, nous ferons des exploits. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons répandre nos cœurs dans la présence divine en nous déchargeant de tous nos fardeaux. Il dit, en tout temps, peuple, répandez vos cœurs en sa présence. Tu vas prier. Je ne sais pas quel est le problème qui pèse sur toi. Peut-être que tu as un problème de manque d'argent. Peut-être que tu pries pour une bourse d'études de tes enfants. Peut-être que tu pries pour la conversion de ton mari qui te fatigue. Ta belle famille te fatigue. Peut-être que tu pries pour un problème de terrain qui est bloqué. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, voici mon problème. Je répands mon âme devant toi. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. À qui irons-nous? Vers qui irons-nous si ce n'est vers toi, qui as les paroles de la vie éternelle, en nous appuyant sur ta parole? Parce que tu nous dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Le vrai repos, c'est en toi. C'est en nous appuyant sur toi que nous pouvons retrouver, nous pouvons recevoir la force de continuer. Nous sommes dans des difficultés énormes. Ô Seigneur, nous répandons ce matin notre âme devant toi le véritable Dieu, devant toi notre Père, devant toi notre Goël, devant toi notre haute retraite, notre puissant guerrier, notre Yahweh Ra. Seigneur, nous voulons voyager, nous voulons nous marier, notre foyer est menacé parce que nous n'avons pas d'enfants, nous sommes menacés de renvoi. Dieu Tout-Puissant, vers qui pouvons-nous aller? Nous sommes dans une maison parce que notre travail s'est arrêté. On n'a plus les moyens de pouvoir sorder cette maison. Dieu Tout-Puissant, à qui irons-nous? Scolariser nos enfants. Bientôt, ce sont les affectations dans les universités. Nous n'avons pas encore d'argent. Il y a des concours que l'État a mis à notre disposition. Nous voulons passer ces concours, mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir nous inscrire. C'est vers toi, le Dieu des signes, le Dieu des miracles. Agis et opère des miracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Dieu de justice fasse échouer tous les complots de nos ennemis. Car c'est lui qui rétribue chacun selon ses œuvres. Peut-être que tu as un Absalom qui est là pour comploter contre toi. Tu vas prier pour que Dieu fasse échouer tous ces complots et que le Dieu de justice, Yahweh Tikkun, lui-même te fasse justice. Prions le Seigneur. Dans la prière. Éternel Dieu fidèle, éternel Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Je veux m'approcher de toi encore, parce que tu es le Dieu qui nous a secourus et qui continue de combattre pour nous. C'est toi qui fais échouer les plans d'ennemis. Quand nous sommes dans la détresse et nous crions à toi, la Bible dit que tu nous réponds. Il est écrit, quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Merci Seigneur notre Dieu. Beaucoup sont méchants autour de nous. Beaucoup vivent dans l'injustice et veulent nous entraîner dans cette injustice. Beaucoup ne veulent pas que nous émergions. Beaucoup ne veulent pas nous accorder ce que nous méritons. Beaucoup veulent nous noyer, veulent nous nuire. Père, ils veulent notre perte, ils veulent nos pleurs, ils veulent que nous soyons dégradés, nous soyons dans la honte, dans la frustration. Mais gloire te soit rendue, parce que nous nous tenons fermes, nos yeux sont fixés sur ta parole, sur Jésus-Christ, notre libérateur, notre vengeur, le Dieu de justice, Yahvé Shikenou. Oui, Seigneur, ce matin, nous comptons sur le Dieu de justice pour nous justifier, pour nous mettre au large, pour nous accorder une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, quel que soit les complots injustes, la méchanceté, quel que soit les œuvres, les planifications injustes que nous tendent les méchants. Merci Saint-Esprit parce que tu nous donnes de croire encore en Christ et en sa parole et aux promesses qu'il nous a faites, car nous ne serons point comme les autres veulent, mais nous serons comme toi tu as décidé que nous soyons. Béni sois-tu pour tes anges qui nous escortent aujourd'hui et qui nous donnent d'entrer pleinement dans nos grâces à la honte des méchants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.